sourire. Le sourire, sourire, est comparable à un soleil qui vous réchauffe le cœur quand le vent glacé de difficulté vous a atteint. Il ranime l'espoir perdu. Il redonne vie à l'âme découragée. Sa présence en nous nous permet de voir ce monde d'une autre couleur. Car le bonheur qu'il procure vous fait surmonter les aléas de la vie. Eh bien, transmettez-le à tous ceux que vous côtoyez et partout où vos pieds franchissent un seuil. Alors, ce monde connaîtra un peu plus de